Hey yo, c'est DJ Org, vous écoutez Rack a Rack a Rack 70%, yo. Pourquoi donc se donner à fond dans un projet quelconque? Pour s'épargner la déception, c'est plus sûr d'y aller doucement. Un tout petit peu, c'est mieux que rien. Contentons-nous-en, les copains. Ensemble, on donne notre 70%. Pour une quatrième année consécutive, 70% sera à CFME pour le FME. Écoutez-nous de 20h à 21h chaque soir du FME 2017. Peace out! Let's go, Georges! Mathieu Luna, mesdames, messieurs, à la guitare. Et bonsoir, en manchette ce soir, Caca, Eclipse et Filapèche. Et ils sont toujours partiellement éclipsés, vos chroniqueurs, Jonathan Simon, Damien Blas-Bouchard, Octave Savolorti, Simon Bortelan, Andy Jacques, La Reine et Mathieu Boudreau, ainsi que notre invité Michel Dagenais, en direct du Brouhaha à Montréal, c'est 70%. Merci beaucoup à nos douchebags. Merci beaucoup, Jocelyn Thérien, JF Cardinal. Si. Ah, voilà, voilà. On vient de réapparaître. Merci d'être avec nous. Il y a beaucoup de monde ce soir. C'est incroyable. Ben oui. C'est, merci, merci. Ben, c'est pas que c'est incroyable. En fait, on met des chaises. C'est incroyable, pour rien, là. Ouais, c'est ça. En fait, ben, moi, j'ai eu une grosse journée à ce niveau-là parce que j'ai comme écrit ma capsule pour parler du monstre de spaghetti volant, le pastafarianisme. Oui. Et je suis allé aussi faire ma chronique aujourd'hui. Hey, je parle! Je suis aussi allé faire ma chronique aujourd'hui, puis j'ai parlé de la Terre plate. Et aujourd'hui, il y avait une éclipse solaire, sûrement que vous avez comme un média quelconque qui vous l'a appris. Et je suis allé voir la Société de la Terre plate, ça existe, disait que l'éclipse était pour prouver une fois pour toutes que la Terre était plate. Ah! Il y a des gens qui s'informent à des sites bizarres. En tout cas, je ne sais pas. Sinon, ben, il y a eu la meute aussi, c'est... je sais pas si vous avez vu ça passer. T'as-tu vu ça passer, toi, Michel? Je l'ai pas vu, j'étais pas à Québec. Ouais, t'étais pas là. C'est graphiste. Moi, en fait, j'ai fait mes recherches parce que tout le monde disait que c'est des racistes, puis c'est la chose la plus facile à dire de n'importe quoi que t'aimes pas, tu sais. Oui. Puis là, j'ai fait des recherches et ces adultes consentants avec le droit de vote, eux autres, ils s'attaquent à l'immigration illégale qui est un problème conséquent au Canada. Qui ici ne connaît pas d'immigrants illégaux? Voyons donc, Galice! Donc, 600 personnes qui ont chacun une hypothèque, un skidoo de l'année puis le pick-up, trouvaient que c'était une bonne idée d'aller chialer là-dessus parce que, tu sais, on lui donne des ordinateurs pour qu'ils se trouvent des jobs à ces familles-là. C'est dégueulasse! T'sais. En tout cas, c'est un petit peu ma position par rapport à tout ça. J'ai trouvé ça drôle parce qu'on était en famille chez mes parents. C'était dimanche après-midi. On était tranquille. Ça aurait pu être un film de Leslie Nielsen. C'était à TVA, puis on écoutait La Meute. Là. Il était là en train de créer l'événement. Puis, là, il paraît qu'il y a des antifas qui ont lancé des gaz lacrymogènes 2 heures avant que La Meute sorte. La Meute, Christ, que c'est lettre, ça plaît de même. Meute. Tu sais, tu le dis, c'est lait, c'est un mot lait, tu sais, meute. C'est, puis là, c'est pas une meute, là. C'est la meute. Ça me fait vraiment beaucoup rire. En tout cas, ça a été ma semaine. Puis là, ben, j'ai amené Nounours parce que je l'ai amené un matin à CIBL parler de la Terre plate. Puis là, je me suis dit que mon père était pour être là. Puis je sais que mon père et Nounours ils ont une relation particulière. Comme je dis souvent, il y a deux types de personnes dans la vie. Il y a ceux qui adorent Nounours, puis mon père. Sinon, ben vous êtes à 70 %. On va se lancer tout de suite dans les vraies valeurs. Il est là, il est patient depuis tantôt. Hein? Patient. S'il vous plaît, on peut applaudir Michel Dagenais, mesdames, messieurs. Dragnet. Je vais peut-être te surprendre un peu, mais j'ai vu, en fait, parce que Jonathan Simon, pour nous, il transfère beaucoup de vieilles cassettes, et on avait beaucoup d'entrevues de détraqués du passé, parce que Paulo nous les a passées pour qu'on les transfère, et j'ai appris ça venait d'où, Dragnet? Ouais. Puis c'est plus l'affaire ingooglable de nos jours, ça, c'est plus que... Quoi que c'est un film avec Tom Hanks aussi? Ouais, ouais, par après, mais en fait, c'est une émission du début des années 60. Ah ouais? Ouais. OK. T'aimes-tu mieux Dragnet ou l'autre, là, Dan Aykroyd? Non, j'aime mieux... T'aimes mieux Tom Cruise ou non, Tom Hanks ou Dan Aykroyd? Voyons. C'est... Non, ni un ni l'autre. En fait... T'es pas cinéphile, ben ben? Non, non, c'est pas ça pendant tout. C'est juste que c'est... je pense que ça s'appelait en français « Coup de filet ». C'est une émission du début des années 60. Okay. Peu, tu veux revenir à parler de ton affaire super ben là. Tu me parlais de Dragnet, moi je te parle moi, de Dragnet. Moi j'essaie de te sauver là, avec... Ouais, je comprends, Tom Hanks, Mais non, c'est ça, c'est en jouant aux cartes avec des détraqués au complet. Ouais. Ben, en fait, quoi, c'est lui, là. À quoi vous jouiez aux cartes? Ah, bonne question, je pense. Est-ce qu'il y avait comme un trou de cul? Ou ça, non, on connaissait pas ça dans ce temps-là. Okay. Je pense que ça devait être... Paquet voleur, genre? Au 8 ou... C'est bon, ça. Je sais pas, je m'en souviens pas. Au 8. Je pense que c'était pas important, la game comme telle. L'idée, c'était juste de... De se trouver des surnoms. Non, non, c'était juste de prendre le temps de fumer. Puis après ça, une heure après, il devait avoir une toune qui arrivait. Ah, je comprends. C'est comme vos préliminaires créatifs. Oui, c'est un préliminaire créatif, c'est exactement bon, ça. Au lieu de jaser, juste jaser. C'est ça. Vous jouiez au 8. On jouait aux cartes, puis on fumait, puis on buvait. Quand tu dis fumer, tu parles de Justin Trudeau, là. Non, je parle pas de Justin Trudeau. Ben, par la bande, oui. Je parle de pot ou de hache. C'est ça. Justin Trudeau. Je fume pas de Justin Trudeau. Ah, t'es pas un trudite, là. T'aimes pas sa nouvelle coupe de cheveux, genre? Parce qu'il travaille pas, fort. Je l'ai pas vu, ça fait longtemps. Ah ouais, t'as pas. Ouais, ok, t'es en frange, toi. T'es un dragnet encore rebelle, genre? Ou... Non, je suis pas. Je fais une prédiction sur ce que je devine, là. Tu joues pas à Magic. Je sais pas c'est quoi. Ok. C'est ça, ça règle ça. Sinon, ben, t'es guitariste depuis plus longtemps que j'existe, je pense. Probablement, ouais, probablement. C'est capoté, ça. Ça a l'air jeune. Ça l'aide avec les filles, on s'entend jouer de la d'être guitare. D'être jeune, oui. Ouais, ouais, tout ça s'efface de mieux en mieux. Hein. Puis sinon, ben, est-ce que t'as un film coréen préféré? Tu me prends, là, film coréen préféré... Ça peut être japonais, là, il y a décoré au Japon. Ouais. Ils ont décoré au Japon, que je voulais dire. Ils ont décoré au Japon. C'est un jeu évidemment de mots. Évidemment, non. Ben oui, non, c'est ça. Est-ce qu'il y a une question qui te met vraiment mal à l'aise, que tu as déjà reçue dans toute ton expérience? Non, non, moi, je fais pas d'entrevue habituellement, fait que j'ai jamais reçu d'interview. C'est comme une des premières fois que ça t'arrive. Ah oui, vraiment. Parce que là, tu as comme joué avec Jean Leloup. Ça n'a pas rapport. Tu as joué avec Xavier Caféine. Ben, Jean Leloup, il est assez immédiat sa vie, mettons. Non, mais je veux dire... Il t'invitait ça pas. Ça fait 30 ans, puis il n'y a pas personne qui m'a invité depuis ce temps-là, de toute façon. Fait que, Colin, c'est pas le rapport. T'aurais fait quoi, mettons, que t'étais pas ici avec nous autres? J'aurais fait de la musique, probablement. Là. De la magie, t'as dit? Non, j'ai de la musique. Ah, du Justin Trudeau? Non, là? Non, t'as... Non, je fume plus. Ah! Non, ça, non, c'est fini, ça. Donc, fait que ça marche plus. À un moment donné, ça marche plus. OK. Non, mais ben, au contraire, j'en fais plus. Ah! Ouais, parce que quand tu fumes, c'est comme... Tu fais un petit peu, puis là, tu te trouves bien hot. Ah, ouais. Tu l'écoutes, puis tu le réécoutes. Mon voisin d'en haut, c'est un rastaman. Ouais, je comprends, ouais. Ben, je comprends pas, j'ai jamais écrit de toune. De quoi je Comment parle? Tu peux comprendre? Puis sinon, ben, t'as-tu un passe-temps de side? T'es pas obligé, là. T'auras pas la... J'ai pas vraiment. Non, en fait, c'est difficile d'avoir un passe-temps quand ton passe-temps, c'est ta vie. Mettez ça dans votre lait demain matin, tout le monde. On va grandir. Mais sinon, Dragnet, c'est super smart d'être avec nous autres à soir. À partir de maintenant, il va y avoir des... comment que ça s'appelle? C'est fatigant, puis c'est trop long. Hein? Jameson? Des chroniqueurs, ce qui vont passer. Chacun le tour. Mais non, sinon, en fait, avant, on demande tout le temps à nos invités de nous faire un indicatif. Là, tu peux mettre les couleurs que tu veux. La barre est ton nom, puis que... 70% ouais. dedans, dans le fond. On devrait... Ton nom, puis 70%. Pis bonjour, je m'appelle Dragnet, et quand je joue aux cartes, tu sais, ça peut être n'importe quoi. Ouais, là. Ouais, ouais, ouais. Ça peut être dire, c'est sûr que je ne réécouterai jamais 70%. Tu peux meubler ça comme tu veux. Tu peux demander à quelqu'un de crier. C'est ça. OK. Je vois là. Oui, oui. Tu as 5 secondes, sinon je me fais mal. OK. Donc, bonjour, je suis Dragnet à 70%. Pas plus. Il l'a fait. Ça venait du cœur. Hein? J'ai senti que ton Dragnet intime était impliqué. Donc, à partir de maintenant, il y a des chroniqueurs qui passent. Toi, tu dis que tu écris des nouvelles affaires, donc on te suit sur Facebook? Ouais. Ben oui, j'ai plein de projets avec plein de monde trippant. On va avoir le temps d'en reparler dans l'émission, tu vas voir. Ben oui. J'aime ça. Hey, on l'applaudit, Michel Dagenais, mesdames, messieurs! Oh. Et là-dessus, ben, on s'en va à notre house band, les charmants douchebags, Jocelyn Thérien et JF Cardinal. Hein? Go, Jess! Ouais, c'est ça qui arrive avec ce tune-là, comme pas longue, fait que si t'étais en train de parler pendant ben, que je joue, sais, le monde, ils savent pas que c'est des nouvelles. Je m'excuse, Jocelyn. Vas-y, Bruno. Un homme de Saint-Augustine, en Floride, était en train de pêcher quand une femme a nagé vers sa ligne à pêche, a insulté l'homme, a mordu le fil et s'est sauvé avec son appât. La femme de 22 ans a été retrouvée nue non loin de là par la police et se serait montrée non coopérative, ce qui a poussé le policier à la mettre en état d'arrestation. L'alcool aurait joué un rôle dans cet incident. C'est donc bien simple pis weird, tout ça. Va chier! M'aller être tout nu là-bas, pis saoul! Next! Oui, les Kentuckyans pour le charbon sont tannés que le soleil ait toute l'attention et pas les mines de charbon. C'est pourquoi ils ont décidé de manifester contre l'éclipse solaire afin d'attirer l'attention sur leur combat. Autant d'actualité, le minage du charbon. Leur communiqué de presse souligne que les médias de fausses nouvelles ont mis l'emphase sur les possibilités de croissance économique reliées à l'éclipse en omettant de mentionner l'importance de l'industrie du charbon. Ils ajoutent que l'affluence des touristes risque de faire augmenter le prix des chambres d'hôtel, de l'essence et de causer une invasion de prostituées parce que tout le monde sait qu'il n'y a rien de mieux que fourrer une professionnelle après une éclipse de soleil. Tout le monde. C'est écrit sur des boîtes de céréales. Leur slogan inclut des bijoux d'éloquence tels que « On ne peut pas toujours compter sur le soleil ». On y pense un peu. Blâmer Obama, bien sûr. Et l'industrie solaire nous modernise hors de nos emplois. L'industrie solaire nous modernise. Ça a l'air d'être un think tank plus que du monde syndiqué qui sont en train d'écrire des insanités de même. C'est vraiment bizarre, mais on dit en même temps, ça donne une bonne idée de comme tout ce qui sont ce monde-là. Ouais, c'est ça. On a mieux rester dans le passé puis garder nos jobs. Ben oui, on peut pas tout le temps se fier sur le soleil. On peut pas tout le temps... Mais non. Et voilà. Next! Oui, un homme de Tampa, en Floride, était aux toilettes d'un bar de danseuse et s'est dit que de se prendre en selfie alors qu'il tenait son gun dans sa main serait une bonne idée quand le prévisible est arrivé. Rorne Sorn, 34 ans, a appuyé sur la gâchette de son pistolet, tirant un coup à travers le miroir de la toilette des femmes, ne faisant aucun blessé. L'homme a plaidé coupable à des accusations de possession d'armes à feu par un criminel condamné et a reçu une sentence de 6 ans de prison. Hey, tu vois, il avait pas appris, lui. Il se tenait dans des milieux louches en s'apprécie. Après, on peut le slow clapper. Sacre fesse. C'est quoi, mettons, il fallait qu'il pèse du pouce droit pour la photo. Il a pesé de l'index gauche en place. C'est ça. Ouais, c'est ça. Merci. Bruno Corbin, mesdames, messieurs. Il va revenir plus tard dans l'émission. Ça nous amène au premier chroniqueur. Hey, j'ai regardé l'éclipse tantôt. Mon champ de vision, là, c'est comme un statut de Mère Chantal Toupin. C'est noir, c'est flou, pis ça fait mal. Faut ce qu'il faut. Fait que c'est un peu ça. Je vais développer ma... Je vais... Attends. GC, hein? Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, là. Ouais, ça fait un petit bout de temps. Ouais. Ouais, c'est ça. Ben, en ce moment, j'ai... Attends. Je vais juste enlever mes lunettes. Ah, finalement, je suis pas aveugle. C'est juste que j'ai mis mes doigts dans mes lunettes de soleil trop souvent. OK. Cool. Non, c'est ça. En ce moment, j'ai des problèmes avec mon entreprise de... Tu sais, où est-ce que je lis l'avenir dans les cartes de hockey? Parce que c'était ça que j'avais fait la dernière fois. Ouais, ça marche pas fort, hein? J'ai demandé aux cartes si je devrais continuer à lire l'avenir dans les cartes de hockey. Puis quand j'ai pigé mon troisième joueur des Whalers de Hartford, je me suis dit... Peut-être temps de passer à d'autres choses. Tu sais, lire l'avenir, c'est une job sans futur, hein? Fait que... Non, mais à cette heure, chez une nouvelle entreprise, j'offre mes services aux futurs candidats de la voix qui font pas assez pitié. Tu sais, comme... Tu sais, dans la voix, ils ont toujours une histoire triste du genre « J'ai perdu toute ma famille quand les fils électriques sont tombés dans la piscine. Quand j'ai eu 14 ans, j'ai eu le cancer du sida. Mes plus grandes inspirations pour la musique sont Éric Lapointe, Mario Benjamin puis le gars qui a imité Garou à 0 à 1000, l'échelle du talent. Ouais! Fallait absolument que je plugue l'échelle du talent parce que mon plus grand idole dans la vie, c'est Yves Desgarniers. J'en fais d'ailleurs une très bonne imitation. Bravo, je trouve que c'est assez bon. T'as beaucoup de talent, mon cher. C'était mon imitation d'Yves Desgarniers. Bref, n'écoutant que mon courage, j'ai écrit des histoires pour que les futurs concurrents de la voix puissent faire suffisamment pitié. Moi, honnêtement, si ça fait pas brailler Marc Dupré, je vais avoir franchement raté ma job. Ma première histoire, c'est limite. J'ai deux histoires. Ma première histoire, c'est limite parce que ça me prend absolument un concurrent auquel il manque une jambe, sinon ça fuck tout. Admettons qu'il manque un bras. Non, ça marche pas. On t'écoute. Quand j'étais petit, mes parents étaient pauvres, puis on avait juste assez d'argent, puis je voulais absolument aller à l'école de parachutiste de Guillaume le Métis Vierge. Mais comme mes parents étaient pauvres, on avait juste assez d'argent pour s'offrir l'école de parachutiste de Vincent le Métis Vierge, qui est beaucoup moins réputée. Eux autres, au lieu d'avoir des avions pour te crisser en bas, ils ont des planches de plywood tirées par des pigeons. En gros, ils prennent des pigeons, ils les tacent après la planche de plywood, ils les gaffent de stéroïdes, d'amphétamines, puis ça fait que les pigeons, ils ont tellement d'énergie qu'ils peuvent tirer à la planche dans les airs. Malheureusement, ça arrive souvent que les pigeons explosent en chemin. Quand c'était à mon tour de monter sur la planche de plywood, toujours tirée par des pigeons, la Société protectrice des animaux est débarquée dans la place, puis ils ont tiré sur tout le monde. J'ai reçu une balle dans la jambe, ça s'est infecté. Depuis ce temps-là, j'ai juste une jambe. Mais le plus triste dans l'histoire, c'est que j'ai jamais pu rencontrer Vincent le Métis Vierge. J'en fais d'ailleurs une parfaite imitation. Non, moi, j'en fais pas d'annonce de char. ma deuxième histoire, le concurrent a même pas besoin de savoir chanter. Son histoire triste va le propulser au top tout seul. Ariane Moffat va se retourner toute. Quand j'avais 6 ans, j'ai perdu mes parents. J'étais au Carrefour Laval, puis à un moment donné, j'ai voulu aller dans un magasin de bonbons, mais mes parents m'ont pas vu partir, puis ils ont continué leur chemin. Tu sais, des mauvais parents, là. Je les ai retrouvés 12 ans plus tard, puis j'ai vécu 12 ans de ma vie au Carrefour Laval, puis je devais me cacher des agents de sécurité parce que j'avais volé un gros suçon au magasin de bonbons. J'aurais pu aller voir le kiosque d'enfants perdus pour retrouver mes parents, mais je pensais que ça irait plus vite si je pitchais des scènes noires dans Fontaine puis que je faisais le vœu de retrouver mes parents. Mais après 3 ans essayés, je me suis dit que ma stratégie valait pas de la merde. J'ai vécu ma crise d'adolescence, ma puberté puis mes premières relations sexuelles avec un mannequin en plastique aux ailes de la mode. À 18 ans, j'ai eu la chance de croiser Claire Lamarche qui est en train de tâter les brassières à la Senza. J'en fais d'ailleurs une parfaite imitation. Bonjour, bienvenue au débat des chefs. Hey, c'était plus vrai que nature, cette imitation-là. On aurait quasiment dit que c'était pas prévu. Donc, c'est ça, j'ai eu la chance de croiser Claire Lamarche. J'y ai dit que je cherchais mes parents. J'ai passé au retrouvailles de Claire Lamarche, puis j'ai retrouvé mes parents, puis ça a l'air qu'eux autres aussi ont passé 12 ans de leur vie au Carrefour Laval. On s'est juste jamais croisés. Le plus difficile, ça a été d'apprendre à lire, à écrire, puis à compter à 18 ans, parce que le temps que j'ai vécu au Carrefour Laval, ben j'ai jamais été à l'école. Ça me semble logique. Donc, c'était ça pour mes histoires que je vais vendre aux futurs concurrents de La Voix. On t'appelle si on a des besoins. Oui, c'est sûr. Merci, M. Rouleau. Merci beaucoup. Gilles Rouleau, hein? Ben oui. Toi, Michel, les centres d'achat, t'es-tu pour ou contre? Je m'en fous. Quoi? Ne pas répondre et pourtant... Une réponse. Hey, tu connais Jocelyn depuis combien d'années? Hey! Ah! Tu vois, c'est sûr que c'est un inside. Ça. Hey, on l'air down dans le feu dans ta barnaque. Bon, ben, let's go, Jocelyn, on passe au prochain. What you want and what you... Salut les plots. L'été achève, c'est l'heure des bilans. Trois affaires qui m'écœurent. D'ailleurs, je commence à me présenter. Mon nom, c'est Jean-Marc Lupien, professeur en rhétorique de moteur de recherche en cuir à l'Université du Québec à Québec. Trois affaires qui m'écœurent. Les valeurs, un. Deux, la dignité, le respect, trois. D'ailleurs, on peut le voir ici sur le modèle rhétorique que j'ai dessiné moi-même. Fermez vos gueules. C'est moi qui l'ai dessiné. Ça m'a pris à peu près 3 heures. Un peu de respect. Donc, vous pouvez voir que dans ce triangle-là, les côtés sont tous égales, puis les angles sont tous pareils. Ça, c'est un hostie de triangle acquis latéral. Ah, tu vas dire que je le prononce pas comme faux. Ben, il y a une raison pour ça. Check-moi bien. De un, les valeurs ont pas de valeur. C'est pour ça qu'ils viennent au top. De deux, la dignité, ben, c'est tout croche. C'est pour ça qu'elle est à gauche. Le monde à gauche sont des tout croches. Parce que ma gauche, c'est votre drette. OK? De trois, on l'a dit, le respect des valeurs, c'est de la marde. C'est pour ça que la drette, ça pue de la gauche. Mais la drette pue de la gauche comme la gauche pue de la drette. Tout ça, c'est logique. OK? D'un point de vue mathématique, le triangle est la crise de figure géométrique la plus solide. Parce que chaque point est relié aux deux autres dans le style triangle. Les valeurs, ça égale la dignité plus le respect. La dignité implique le respect des valeurs. Et le respect, c'est la valeur de la dignité. Ça fait qu'on est toujours pogné là-dedans, tabarnak. OK? Tout le monde est dépendant des autres, câlisse. Mais là, si on inverse le triangle... Non! Vous pouvez remarquer que les valeurs ont la tête en bas comme une graine après avoir fumé du crystal meth. Mais tout ça, ça marche pareil, câlisse. Ça, c'est la loi. Puis l'ordre, c'est la loi. Mais ça marche pas parce que l'ordre se ramasse en bas, câlisse. Ça marche même si l'ordre est renversé. Fuck, fuck les hosties de triangle, tabarnak! Voilà, c'est... C'était... Jean-Marc, professeur de rhétorique de cuir... De moteur. De moteur. Ça allait vraiment enrichissant son cours, hein? Un cursus de 45 heures. Bring it en sacrament. Allez, let's go, on passe tout de suite au prochain. Michel, il commence à se réchauffer, là. Ah, bien. Salut, Octo Ave. Alors, j'aimerais commencer par offrir ma sympathie à tous ceux et celles ici qui connaissent des gens qui ont perdu la vue aujourd'hui. À chaque éclipse solaire, il y a 60 millions de terriens qui perdent la vue, Tommy. Toute une génération de flat-earthers qui pognent le bord. Là. Exactement, c'est très grave. Moi, personnellement, la dernière éclipse, ma sœur voulait vraiment regarder l'éclipse, tu sais. Et puis là, moi, je voulais pas. Je disais que c'est dangereux, tu peux pas, tu vas perdre la vue, puis tout ça, fais pas ça. Puis elle a insisté, fait qu'on s'est tellement engueulé qu'on s'est chicané, puis on s'est perdu de vue. Mais c'est pas de ça que je viens parler aujourd'hui, Tommy, non. J'ai fait une niaiserie au début de l'année, Tommy. J'ai lâché ma job au début de l'année parce que je me disais, ça achève, cette crise d'affaires-là d'argent, mais à un moment, comme, ils vont en revenir. On va bientôt arriver à enfin une économie basée sur le partage et les chakras. Parce que, on va se le dire, Tommy, comme les chakras, comme c'est pas tout le monde qui y croit, mais c'est quand même moins spéculatif que l'économie. Putain, quand tu y penses, pense-y pas. Mais non, on est en 2017, c'est encore l'argent qui domine le monde, hein, la sécurité financière, c'est l'argent qui nous protège. C'est l'argent, c'est Dieu, Tommy, et le seul moyen de se rapprocher de Dieu, de le toucher, comme dans la photo, là, avec le doute qui touche Dieu. C'est de la photo. Il y a une photo de Dieu qui existe, oui, celle où il touche le dos. C'est un selfie, en fait, je pense. C'est un selfie de Dieu. Je m'avancerai pas jusque-là. Non, c'est vrai. Et donc, c'est ça, donc pour retrouver Dieu, donc il a fallu que je trouve un patron, n'est-ce pas, qui voudrait bien me recommunier, parce que j'avais perdu la foi depuis tout ce temps-là. Et puis, il voit les patrons, quand il y a un trou dans ton CV, il voit que t'as arrêté de croire à l'argent. Et puis, ils veulent pas te récupérer. Tu sais, même quand t'as un gros trou dans ton CV de 4 ans, là, ils présument automatiquement que t'as vendu de la drogue, tu sais, ils savent pas comment t'as survécu, alors que c'est facile, j'ai survécu dans le bois à manger des racines puis à faire l'amour à la pluie. Mais bon, j'ai expié mes péchés et je me suis trouvé un nouvel emploi sur Kijiji. Il y a des emplois sur Kijiji quand même, il y en a quelques-uns. C'est pas grand-chose, soit tu collectes des fonds ou comme tu t'emballes des noix, des affaires de même. Mais j'ai trouvé un poste intéressant, j'ai appliqué, puis j'ai eu la job et je suis maintenant président du Nigeria. Merci beaucoup, merci. Bon, à partir de ça, la chronique s'embarque dans une pente glissante un petit peu, mais comme, suivez-moi avec précaution. C'est pas facile d'être président du Nigeria, Tommy. Premièrement, je pensais qu'être président, c'est juste tweeter, aller à des parades, porter des chapeaux, puis ça finit là, mais non. Je t'ai pas fait mieux, je sais pas si tu connais Boko Haram. Oui, c'est pas cool, ça. Beaucoup de noms, c'est ça. Mais moi, j'avais entendu parler, mais je pensais que c'était un joueur de l'Impact. Mais non. Non. Il se trouve que Boko Haram, c'est un mouvement terroriste qui est devenu, à un moment, une province de l'État islamique, qui s'est fusionné l'État islamique. Et le chef de Boko Haram, qui s'appelait Abu Bakr Shirakou, il s'est fait mettre dehors de l'État islamique parce qu'il était trop radical. Non, ouais. C'est pour de vrai. Fait que là, je me suis dit, mais je vais commencer. C'est facile, je vais appeler la meute. Ils vont les chasser, les petits agneaux de Boko Haram. Ça va prendre 2 secondes, mais ils répondaient pas à mes appels. Donc, je suis rentré en contact avec Abu Bakr, moi-même, de Boko Haram, pour qu'il m'explique un peu comment ça marche au Nigeria, parce que je viens d'arriver. Fait que je me disais, les pourboires, les jours fériés, tu sais, je sais pas comment ça marche. C'est drôle, mais c'est pas supposé l'être. Fait que j'ai parlé un peu. Et honnêtement, oui, il est extrémiste, Abu Bakr, je le cacherai pas. Mais c'est surtout une petite bête fragile qui a pas eu d'amour de ses parents, OK? Et j'y ai parlé! J'y ai dit, regarde mon petit boubou. J'ai le remède idéal pour toi qui va recoller tous les morceaux de ton cœur. J'ai donné mon mot de passe tout.tv, je l'ai parti sur rumeur. Et puis depuis ce temps-là, j'ai dit moins de décapitation, plus de James Heidman. Et puis comme pour vrai, c'est réglé le problème. C'est un bon là-bas, slogan, ça. Pareil. Le monde chanterait ça, c'est sûr. Mais sinon, il y a est-ce que rumeur est surtout .tv? Oui. Malade. OK, c'est correct. Continue. Et puis sinon, c'est compliqué quand même la politique au Nigeria. À part, il n'y a pas juste Boko Haram. Le problème, il y a beaucoup de pétrole et de cacao. Ce qui fait que j'ai été corrompu en d'entendre le dire. En fait, c'est vraiment difficile. Ils m'ont juste donné plein d'argent. Ce qui fait que j'ai plein d'argent maintenant. Comme le problème de job, tu vois, du début de la chronique est complètement réglé. Ben sûrement que président d'un pays africain, ça a une réputation, le Nigeria. Là, c'est une histoire. Là, et tout ça, oui. Mais ils sont en train un peu de la perdre, la réputation. C'est un peu compliqué, l'histoire de corruption. Mais là, j'ai trouvé le problème. C'est qu'ils sont trop, en fait. Ils sont 200 millions. Là, je leur ai dit, je sais. Ils sont 200 millions, Nigériens. Le truc... Venez tout ici, tout le monde s'en crisse en ce moment. Venez ici, Ils vont juste passer inaperçus complètement. Vous avez 2000 $, une chambre, un lit. Ça va être parfait après ça. Ils arrivent dans une semaine. Est-ce que c'est ma faute si on a un problème? Peut-être. Est-ce que c'est la faute du capitalisme qui m'a forcé à trouver un emploi? Sûrement. Tu t'es vengé du système. Je me suis complètement vengé. Et puis d'ici là, le pire dans tout ça, c'est que je parle plus à Boubacar parce qu'il m'a appelé l'autre jour et il m'a dit qu'il préférait Rumeur depuis qu'il n'y a plus James Admin puis que c'est Christian Bégin, le personnage principal. Je suis comme tabarnak. Il y a des limites à être extrémiste quand même, monsieur. Fait que là, t'es en train de me dire qu'on pourrait ramener James Hindman dans Rumeur et ça aiderait la situation au Nigeria. Non, parce qu'il l'aime pas. OK. Lui, il faut qu'il envoie Christian Bégin au Nigeria. En tout cas, pour vrai, j'ai foutu la merde. Arrangez-vous avec ça, moi, je vais être en Islande. Merci. Merci. Puis toi, Michel, fais-tu confiance à ça, Internet? Oui. Tu fais bien. Pas toutes, là. Ben non. C'est bon. Les commentaires. Oui, c'est ça. La manne est tout le temps dans les commentaires. Oui. Je pense que sur cette vérité de la palisse, on passe au prochain, Jocelyn. Merci les douchebags! Les douchebags, hey. Certains. Hey, salut Tommy, ça va bien? Salut à Simon Portalance, t'es vraiment habillé couleur virile ce soir? Ouais, complètement. En plus, c'est assez chaud que je vous parle d'affaires pas très jojo, hein? Comme on sait, on est dans un climat de protestation, un climat de haine, un climat de révolte sociale. Ça va pas très bien ces temps-ci, puis pour rajouter à la sauce, imaginez-vous donc, et là je fais un mauvais jeu de mots, imaginez-vous donc qu'ils ont retiré la salade de choux traditionnelle au PFK. Je t'ai vu venir, moi. Je ris, là, mais c'est pas drôle. Hey, maudit, hein? Comment tu veux que le monde aille manger au Kentucky si tu retires l'antidote qui fait que t'as pas de brûlement d'estomac après avoir mangé ton poulet? Merci. Ouais, oui. Merci. On voit que les gens sont d'accord avec le ma débat théorie. Le débat vient d'être catapulté, mon gars. Ah que oui, hein? La meute, t'as rien vu, hein? Écoute, moi l'autre jour, m'en vais au Kentucky, je veux commander une salade de choux. Imaginez-vous donc, ils ont changé la salade de choux, ils ont mis des vrais légumes là-dedans. Des légumes au Kentucky. Est-ce qu'on est dans la quatrième dimension? On est dans Poltergeist, est-ce? Hey non, là, ça marche pas, là. C'est... Moi, je suis vraiment fâché. Moi, je dis, le colonel, là, il doit être sur son nuage, là, dans le paradis, là, pis il voit ça, il va se revirer dans sa tombe. Voulez-vous que le colonel revire dans sa tombe comme si c'était un poulet embroché dans un four qui tourne à 350? Ouais! Pas moi! Non, pas moi! Je ne veux pas vivre dans un monde! Hey, je parle comme Normand Bratoit. Hey, salut la gang! Hey! Ok, c'est chaud! Non, je ne veux pas vivre dans une société où est-ce qu'on me dit qu'il faudrait que j'évolue et que je devienne vegan puis que j'arrête de manger du poulet. Moi, je suis un homme de tradition, mesdames et messieurs. C'est pas vrai que je vais cracher sur plus de 24 ans de mangeage de Kentucky. Tradition que j'ai embrayée chez ma grand-maman en 1995. C'est pas vrai. Non! Je me sens comme Donald Trump. Non! China! OK, non. Ça pour dire que la révolution est sur le point d'être entamée. Tabarnak! Pour ramener la salade de choux au Kentucky. J'essaie de me rappeler c'est quoi le prochain mot. Je m'en souviens pas. Voyons, c'est quoi le mot qu'on dit quand mettons, t'es dans une révolution puis il y a comme ceux-là qui sont contre les... Comment? En tout cas, fuck off, regarde, je suis ce bout-là, je m'en rappelle pas. Tu peux pas être à un mot près de ton propos, là. Oui, Chris, je tique sur un mot, c'est un de mes grands problèmes. OK, ben c'est pas grave. On va lutter contre ça. C'est pas vrai. Je vais partir une page Facebook, m'en faire des appels, m'envoyer des lettres avec des découpures, avec des mots pris dans des revues avec des menaces à PFK Québec. Mais c'est pas vrai que ça va passer. Puis une autre affaire, je pense qu'aux États-Unis, ils l'ont encore, la salade de choux. Moi, je vais faire des voyages là-bas. Je vais remplir un coffre de char, de petits coffres de salade de choux PFK. Tu vas le ramener pour la manifestation. Là, ouais, exactement. Puis je vais aller me statcher à côté du PFK, coin Jean-Ry Papineau. Quand le monde va sortir, je vais dire, « Hey, t'en veux-tu de la vraie salade de choux? » Moi, ramener. Le légume, pas vrai que je vais embarquer là-dedans. C'est une supercherie organisée par le 1% et les grands afin de détourner l'attention sur les vrais problèmes de la société. Fake news. La division entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Ça, c'est pas important comparé au poulet Kentucky. Ramenez-moi la semaine prochaine alors que je lutterai pour le retour de la pizza McDonald's. Merci. Merci. Mais, anyway... Qui prend la salade de choux au PFK? Ben, qui mange au PFK? La salade de patates, la salade de macaroni, la salade de choux... Ben, OK, on lève la main, ceux qui prennent la salade de choux au PFK. Ben, vous pouvez plus! Sinon, Dragnet, comment ça se passe, toi? PFK! Est-ce que t'es pour ou contre les Pokémon Fairy? T'es-tu un fan de jeux sur ton cellulaire? Non, pas en tout. C'est le fun, hein, jaser? Moi pis toi, avec tes questions, c'est super. Oui, oui, mais je parce travaille... Que tu parles de tes affaires, de ta génération, c'est pis moi... De ma génération, je pense pas, non. Ben là, tu me parles de Pokémon, Chris. Je suis plus vieux que tu penses. J'ai gardé mon cœur d'enfant. Hey, on passe au prochain. Ouais, Pokémon, On jasera d'autres choses tantôt. Dans Bébite ou... Bonjour. Comment ça va tout le monde? Bonjour Tommy. Calmez-vous mes sangs. T'as la barbe a gagné, c'est quoi ça? Ouais, ça a j'ai pas encore décidé quand est-ce que je vais la couper. Si tu veux. Mais je vais juste me donner la clé de chez vous. Honnêtement, mon but ultime, mon premier comme milestone, c'est l'Halloween. Je la fête pas, mais il me semble que Bob Ross à l'Halloween serait cool. C'est vrai, c'est vrai. Me semble. J'ai le style. Je suis ici ce soir, évidemment, je suis tout le temps là, moi, pour vous amener de la connaissance, parce que ce show manque beaucoup de connaissances, clairement. Là. Beaucoup trop de personnages. Ben pourtant, on connaît quelques personnes ici. Là. Pendant que je faisais une recherche Wikipédia, autrement dit, quand je faisais random article dessus, je suis tombé sur un article que j'ai trouvé vraiment très pertinent. Je sais pas si vous connaissez. Ça a l'air à être vraiment difficile à ta job ces temps-ci. ma dernière journée est jeudi, justement. Ah bon? Ils ont découvert que je faisais. Donc, le baiser random sur Wikipédia était tombé sur. Je suis tombé sur les Ig Nobel. Je sais pas si quelqu'un connaît ça, si vous connaissez les Ig Nobel. Le monde connaît ça. Dans le fond, les Ig Nobel, c'est un gala qui existe depuis 91 et qui célèbre la recherche humaine. Dans tous ces penchants, si on veut, la littérature, comme les Nobel, mais pour des choses un petit peu moins pratiques que les Nobel. Un bel exemple que je pense qui est devenu très viral il n'y a pas si longtemps que ça, c'est la recherche comme quoi que l'eau a une mémoire. Ouais, l'homéopathie. Ouais. Exactement. Ben, en fait, les Ig Nobel, moi, de la manière que je m'en rappelle, c'est qu'ils récompensent les scientifiques qui ont fait des recherches qui ne devraient pas être répétées. Ben, clairement, dire, non, mais c'est fait, sûr, on n'a plus besoin de leur non, faire. Non, c'est sûr. Il y a beaucoup, beaucoup de stock. Moi, tout ce que je vais faire cette année, ben, généralement, c'est en septembre, donc le prochain s'en vient pour 2017, j'ai hâte. Mais j'ai ceux de 2016, donc j'ai les lauréats de 2016, et c'est très intéressant. On va commencer par le prix de la reproduction. Donc, c'est le regretté Ahmed Shafik d'Égypte qui a reçu le prix pour avoir étudié les effets du port de pantalons en polyester, en coton ou en laine sur la vie sexuelle des rats, et pour avoir aussi effectué les mêmes tests avec des humains hommes. Donc, on n'a plus de secret pour ça. Donc, On n'aura pas les résultats. J'ai pas les résultats, ah, okay. malheureusement. Mais j'ai les références. Tu es capable de les imaginer, par exemple. Mais j'ai les pas références. Beaucoup. Fait que venez me voir, je vais vous donner les, ah, non, les documents nécessaires. J'ai l'impression qu'ils sont sur Wikipédia, si je t'écoute bien. Probablement. On a le prix d'économie qui a été remis à Mark Avey, Sarah Forbes et Shelagh Ferguson de la Nouvelle-Zélande pour avoir évalué les personnalités perçues des roches d'un point de vue de vente et de marketing. Ça te parle, ça, je pense, Bruno? La personnalité des roches? La personnalité des roches, mais sous un point de vue de marketing et de vente. Donc, pensez-y. On a le prix de physique qui a été remis à Gábor Horvát, Miklós Blaho, Georgi Kriska, Ramon Egidus, Balázs Jerik, Robert Farkas. Je pense que plus que non, plus que c'est drôle, une fois que je vais arriver avec Suzanne Akesson, Peter Malik et Hans Ruedi Wildermuth de l'Hongrie, Espagne, Suède et Suisse, donc un collectif, pour avoir découvert pourquoi les chevaux à la crinière blanche sont des chevaux qui attisent le moins les tons. Et aussi pour avoir découvert pourquoi les débileux sont attirés par les pierres tombales noires. C'est pratique. Il y a le prix de chimie de 2016 qui a été remis à Volkswagen, tout simplement, pour avoir résolu enfin le problème des émissions excessives de pollution automobile automatiquement en produisant électromécaniquement moins d'émissions chaque fois que les voitures sont testées. Ah ben oui, c'est ça, c'est un bon truc ça. Ouais. Je sais pas si ceux qui se rappellent, il y a eu un rappel parce que ça n'a oui. pas marché. On a le prix de la médecine qui a été remis à Christophe N. Chen, Karina Palzer, Thomas Monte, Silke Enders et Andrea Sprenger pour avoir découvert que si vous avez une démangeaison sur le côté gauche de votre corps, vous pouvez le soulager en regardant dans un miroir et en grattant le côté droit de votre corps et vice-versa. Il y a du fuck off! Il y a des gens qui se battent dans Wikipédia, pas... là! D'ailleurs! Moi, je veux pas t'écœurer, mais il y a quelqu'un qui a fait une étude à l'université. Let's go, let's go! Ceux que ça intéresse bien gros, ce qu'il vient de dire, vous ferez vos recherches, là. Vous irez changer Wikipédia. Allez faire un document qui va contre-indiquer ça. On a le prix en psychologie qui a été remis à Evelyn Debé, Martin de Schriver, Gordon Logan, Christina Suk. Cotsi et Bruno Versugère pour avoir demandé à 1000 menteurs à quelle fréquence ils mentent et avoir décidé s'il faut croire ces personnes. Pensez-y. Êtes-vous menteur? Oui. Oui, mais est-ce qu'ils sont ou pas? C'est comme le paradoxe du crétois. Exactement. Vous viendrez nous voir après si vous vous demandez c'est quoi. On y va avec c'est le prix. Probablement des références sur, oui, sur Wikipédia. On y va vers le prix de la paix qui a été remis au Canada. Je suis très content. Donc, Gordon Pennycook, James Alan Shane, Nathaniel Barr, Derek Kohler et Jonathan Fulgensang pour leur étude savante intitulée sur la réception et la détection de la connerie pseudo-profonde en anglais. Je pense que c'est important. On the reception and detection of pseudo-profound bullshit. On a le prix de la biologie qui a été attribué conjointement, donc il y a deux récipiendaires, je suis vraiment content pour cette année-là. On a eu Charles Foster qui a vécu dans la nature comme à différents moments comme un blaireau, comme une loutre, comme un cerf, comme un renard et comme un oiseau. Et avoir fait des études là-dessus. Et comme un nouveau célibataire, sûrement. Ben, ça a l'air qu'il entretient une relation charnelle avec une biche. On a aussi Thomas Thwaite. Je pense pas que c'était sur Wikipédia. Non, clairement pas. Mais ça peut se rajouter, c'est ça la beauté des Wikipédia. Thomas Thwaite, pour avoir créé des extensions prosthétiques de ses membres qui lui permettaient de se déplacer comme et passer du temps à traverser des collines en compagnie de chèvres, bien sûr. Et ça a l'air que les... je l'ai vu, c'était d'avoir un exosquelette qui lui donnait la capacité d'être une chèvre avec des chèvres. Ouais. Avec les chèvres. Et mais il y a une vidéo virale sur Internet. Et tout. Respect. Ben, s'il n'y a pas de vidéo virale, ça ne sert à rien. Là. Ben, il a donné ses... Il a donné ses... Pros, comme ses... ses extensions. Dans le fond, il les a données dans un musée. Fait que, okay. Si vous voulez aller les voir, c'est aux États-Unis. Et rapidement, mon intérêt est descendu. Ouais, c'est ça. Ça va vite. Je peux les voir, fuck off. Le prix de la littérature a été remis à Frédéric Zurberg pour son travail autobiographique en 3 volumes sur les plaisirs de la collecte des mouches qui sont mortes et des mouches qui ne sont pas encore mortes. Et pour finir, on a le prix de perception qui a été remis au Japon à Atsuki Higashiyama et Koe Adachi pour leur recherche afin de savoir si les choses semblent différentes lorsque vous vous penchez et vous les regardez à travers vos jambes. Alors, c'est là-dessus que je vous... Allez voir ça, les ignorants. Merci. Tabarnak, il vient d'ouvrir une grosse traîne, lui, là. Parle-moi de tes projets, comment Michel. Ça s'appelait, ça, cette affaire-là? Là? Les prix Ig Nobel. Ig Nobel. Ig Nobel. Ouais. Un peu comme c'est comme ignoble, mais tu changes deux, là. C'est ça. Avec Belle. Non. Puis toi, tes projets, tu m'as dit que tu en avais plein tantôt. C'est-tu pour flasher parce qu'il y a des filles? Non, il y a des filles. Il y a des filles, ben, il y en a une là. Il y a ma mère, elle est là. Bonjour, maman. Ben oui. Mais tu sais, parle-moi de tes projets, là. Si, mettons, moi, je veux suivre le Dragnetverse, là. En ce moment, Sacré-Cœur avec Xavier Caffine. Nouveau projet. OK. Album solo de Suzy McLelove, chanteuse des Breastfeeders, train de se faire. OK. J'ai l'impression que c'est comme un scoop, ça, là. Ben, un peu. Un peu, OK. Un peu. C'est bon. Fait que tu connais du monde au placé, là? Non, des amis. Oh, taquin! Oh, il l'a tellement! C'est pas pire, ça. J'ai mon groupe aussi, Slick Slick Revolver, qui on s'amuse, on se promène. J'ai entendu dire que tu voulais te séparer pour faire des projets solo. Non, je me sépare de qui? Donc, en fait. Je pense que c'est les membres de ton groupe qui nous ont dit ça. Je pense que je suis pas marié. D'habitude, tu pognes le gars le plus charismatique d'une patente, puis tu lui dis ça, puis tu viens de pousser des affaires dans une direction. C'était mon gamble. Sinon, ça va bien, Dragnet, ton 70%? On est probablement c'est monté un peu plus haut, là. Si jamais tu t'ennuies, on peut peut-être trouver un jeu de cartes, puis jouer au non, lutte, non, là, c'est bon, ils m'ont ramené un deuxième Jameson, puis bon. On rentre à 80%, là. T'es chatouilleux? Oui. Tu veux me chatouiller? Ok, c'est bon. On passe au prochain, Jocelyn. Merci. Il tiendra pas. C'est parce que j'ai besoin de mes mains. Ah, merci. Non. Et non. OK, ça va? Ça va, toi? Allô? Ouais, non, moi, ça va pas. Je me suis levée ce matin dans un état de sevrage vraiment dramatique après une grosse fin de semaine. Puis là, j'ai le shake, puis il faut que je boive de l'alcool. Mais sinon, ouais, ça se correct à part ça. Fait que depuis la dernière fois qu'on s'est vu, en fait, j'ai toujours pas attrapé de Pokémon légendaire. Mon chien a fait 2 crises d'épilepsie, c'était vraiment le fun. Ensuite, j'ai sous-titré les 35 ans de Juste pour rire. OK? Oui, wesh. Et c'est 166 pages de souffrance. Donc, plus rien ne sera jamais drôle. La seule joke que j'ai ri, c'est une joke raciste de Madame Jagger. On en était là. Ensuite, sinon, c'est vraiment pas important. Je suis venue vous faire une tirade sociale sur notre système de santé de marde. Parce que le 26 juillet, très exactement, j'ai une personne que je ne nommerai pas qui est allée subir une colonoscopie. On fait de la suite dans les idées. Salut, Andy! Puis, c'est terrible, en fait, une colonoscopie. Il paraît qu'il faut que tu boives un bidon complet à peu près de 4 litres de liquide immonde. Puis la personne concernée est en train de hocher la tête, soit dit en passant. Oui, tu bois un liquide immonde qui te fait, et je cite, chier de la lave, et ensuite ayant pour résultat, et je cite, toujours presque un rosebud. Il faut que tu passes 24 heures à jeun et après que tu te présentes à l'hôpital à l'heure qui t'ont assigné finalement. Dans tel cas, c'était 11h30 le matin. Et... T'arrives à 11h30 le matin et le secrétariat est fermé. Fait que déjà là, ça part bien. Mon ami m'avait dit, ça sera pas trop long, tu sais, parce que t'es obligé d'être accompagné, t'as pas le choix. Parce que ça fait 24 heures, t'es à jeun, puis t'es chevrotant, puis t'as mal dans ta jaquette, dans tes deux jaquettes, en fait. Ben, chier de la lave aussi, ça doit pas être pratique. Paraît que c'est pas agréable. Ça occupe. J'ai entendu dire que c'était pas le fun. Mais enfin, c'est ça, on arrive à 11h30, le secrétariat est fermé, la personne revient à 12h30. Après ça, il y a à peu près 28 personnes dans le couloir en jaquette avec des espèces de chemises jaunes qui datent clairement de quand... Je regarde la moyenne d'âge de la foule, à peu près quand on était toutes à l'école primaire. Puis c'est ça. Puis quand le secrétariat rouvre, t'apprends que tout le monde passe en même temps. Donc, mais c'est ça, j'ai pas trouvé ça c'est correct. C'est là qu'il faut que t'amènes quelqu'un. Ah, c'est une colonoscopie toi, de groupe, là. Ouais, ouais. Mais tu sais, je veux dire, c'est dans l'ordre d'arrivée. Il y avait collé c'est tout le monde dans 11h30 du matin. Là, ils mettent la slime, puis il faut que tout le monde mange de la slime, puis fait chier de la Mais l'affaire, c'est que j'ai pas eu le droit d'aller assister à la dite colonoscopie. Donc, j'ai attendu 5 heures dans le Pourquoi couloir. T'aurais voulu aller voir. OK, en tout cas. Mais ouais. C'est là que je voulais en venir, c'est qu'en attendant pendant 5 heures dans le couloir, j'ai lu Les Amants du désert, un roman passion que je m'attendais à vivre de façon magnifique. Puis, tu sais, Les Amants du désert, moi, j'étais comme, oh yes, ça va être une espèce de sheikh arabe, tu sais, avec une tante. Oh mon Dieu, je me suis assommée. Avec une tante dans son désert, puis là, il va avoir une petite servante, puis là, ça va être super. Non, pas en tout. Finalement, le gars, c'est un millionnaire du pétrole dans le Nevada, puis son espèce d'assistante est fucking trop surdouée. Elle a 25 ans. Je pense qu'elle a étudié en littérature, puis elle est capable de dealer des contrats de pétrole. Écoute, ce fucking livre-là, c'est 237 pages de mamelons durcis. Je pense que j'ai jamais autant lu de fois dans ma vie le mot mamelon durci ou pointé ou douloureux à travers son linge. Calisse que c'était pénible. J'aime vraiment les romans passion d'habitude. Puis là, j'étais comme... En tout cas, mais enfin bref, la fille a fini par coucher avec son patron parce qu'elle a perdu connaissance dans l'avion puis il a été attendri puis elle avait les mamelons qui pointaient à travers sa chemise. Puis là, il l'a ramené chez elle en voiture puis ils sont allés luncher. Puis là, il était assis sur le bord d'un feu en mangeant leur sandwich dans le désert du Nevada puis elle avait ses hosties de mamelons qui pointaient à travers sa calice de chemise. Ça arrête juste pas. Écoute, regarde, j'ai lu la première fois... C'est pour ça que j'avais besoin de mes deux mains. T'as peu. Ah, voilà. La première fois qu'ils se sont serrés la main, OK? À l'instant où leurs peaux se rencontrèrent, un invisible frisson la secoua. Elle eut l'impression que les yeux sombres de son patron la perçaient, pénétraient jusqu'au fond de son être. Chaque pouce de son corps, étonnamment conscient de cette force vitale masculine, en fut aiguillonné au point de lui donner la chair de poule, comme moi en ce moment. Elle sentit ses mamelons tout à coup durcis sous le tissu raide de son ensemble neuf et une soudaine chaleur l'envahit, contrastant avec la fraîcheur de l'air conditionné. Elle retira sa main et fit un pas en arrière, terrifiée par les étranges sensations qui la secouaient. On s'entend que c'était une poignée de main. Je vous laisse imaginer le déferlement orgasmique qui a suivi la baise dans le désert. Okay? C'était leur première baise. Il était par terre. Il entendait des coyotes hurler, des scorpions grignoter le sol. Elle était terrifiée. Il y avait une capote. Elle a eu le plus gros orgasme de sa vie. Le gars aussi. Et elle est tombée enceinte. Une baise, une capote. Elle tombe enceinte. Puis là, elle voulait pas le dire à son patron. Puis là, finalement, elle y a dit après 4 mois, parce qu'elle venait de l'apprendre, parce qu'évidemment, les filles, dans les histoires de même, ils n'engraissent pas. Tu sais, ils sont juste malades. Puis, oh mon Dieu, mais c'était terrible. Fait qu'elle a fini par le dire. Puis là, le patron voulait l'épouser. Puis là, elle voulait pas l'épouser parce que je suis une femme indépendante et je ne veux pas que tu prennes le contrôle de ma vie. Puis là, le patron, il a acheté une Mercedes puis il a acheté des bijoux. Fait que là, elle a fini par dire OK d'abord. Tu sais. Puis. Puis là, après ça, elle s'est rendue compte qu'elle se promenait en vélo, parce que je vous le rappelle, c'était une femme forte. Puis là, elle avait sa Mercedes, elle avait ses bijoux. Puis là, elle s'est rendue compte que son patron, qui était rendu son futur mari parce qu'il apportait son enfant, et mon Dieu, hein, elle s'est rendue compte qu'il avait démoli son vélo. Vous rendez-vous compte? Puis là, elle a fait « Oh mon Dieu, il a démoli mon seul moyen de transport, mon seul moyen d'être une femme indépendante. Je le quitte, je me sauve en train. » Et là, il y a une poursuite. Puis là, il part en char, puis il saute dans le train à partir de son char. Elle est enceinte, là. Non, mais elle est dans le train, lui, il court. Ben elle, je parle pas de lui, là. Non, mais, tu sais, ça arrive, il va avoir clairement un roman passion avec un trans enceinte, j'ai hâte en tabarnak. J'ai hâte de voir comment ils vont dealer avec ça. C'est comme dans Junior avec Arnold, là. Ouais, mais Arnold, ça serait dur de décrire un déferlement orgasmique le mettant en vedette. Je dis ça de même. Mais... Avec toute la fière de virilité assumée, ça irait bien, par contre. Pouah, peu importe. Mais bref, non, mais c'est ça. Il sauve dans le train, là, il la rattrape, puis il dit, mais c'est correct, là, je vais te racheter un autre vélo. Puis comment, OK? Fait Ils reviennent ensemble, en tout cas. Mais c'est vraiment de la stimale. Kat a dit qu'elle était vraiment intelligente au début, là. Ah oui! Ah, la fille, elle est trop, trop douée pour la job qu'elle fait. Mais genre, trop. Tu sais, elle est capable... Un moment donné, amène une espèce de réunion. J'ai comme feuilleté hier un peu pour m'en rappeler. Elle dit une réunion pendant 6 heures avec des gars qui font des commentaires, mais juste sous son linge. Elle a les mamelons qui percent ses vêtements. Non, mais non, parce que son patron était pas là. Elle était toute seule, donc ses mamelons étaient rentrés par en dedans. C'était d'une tristesse. Mais tu sais, c'est ça. Les scènes de sexe sont quand même un peu plates, mais tout ce qui se passe là-dedans, c'est qu'à chaque fois qu'il touche ses seins, il y a des feux d'artifice qui décollent. T'sais, tu vois, j'en ai un tout petit extrait ici pour mon public qui en demande toujours plus. Bon, là, il débarrasse la fille de son short. Il enfonce sa bouche dans la pâle toison au sommet de ses cuisses. Bon, attends. Sa langue se mit à aller et venir et elle tressaillit en sentant s'allumer la première fusée de ce qui promettait d'être un fabuleux feu d'artifice. Le visage enfoui entre ses cuisses, Elan se délectait de ses sucs. Oui, on a le mot « suc » ici. Il l'entraînait vers de nouveaux pics de sensations. Là, elle était tordue, elle s'accrochait à ses cheveux, c'était fucking intense. Et le feu d'artifice commença. Une roue de feu l'entraîna dans son mouvement frénétique. Ce fut comme si une pluie d'étincelles tombait sur elle, embrasant sa peau qui brasilla dans le feu de la passion. Ça c'est une description de la colonoscopie, ça, c'est ça? J'ai ouvert une parenthèse tantôt. Là, okay, j'attends. C'est bon. Excuse, j'ai peut-être arrêté de suivre à un moment donné. J'attends que mon ami revienne de sa colonoscopie, puis je lis des affaires de même. Ah oh oui, mais c'était génial. Fait que là, finalement, elle s'est laissée aller. Mais ça a fini trop bien. Fait que j'étais un peu fru, en fait. Parce que ça a trop bien fini. Ils se sont mariés, évidemment. Puis là, la sœur de la fille a rencontré le frère du gars. Il a acheté un beau bicycle. Il en reparle même pas. Il reparle jamais du bicycle. Ah, dans le fond, elle voulait juste le dernier mot. Ben, je pense que oui. Fait qu'il est venu la chercher dans le train. C'est peut-être un truc. Leur relation égalitaire, c'est que lui, il est embarqué dans le train en sautant de toutes ses forces. Ben ouais, c'était trop gracieux. Puis le contrôleur est arrivé, puis il n'y avait pas de billet, puis c'est la fille qui a payé son billet pour lui, puis ils sont devenus égaux. Puis c'était lui, le multimillionnaire. Est-ce que t'as fini? J'ai presque fini. Okay. Puis en fait, ben c'est ça. C'est ma fête, j'ai le droit, OK? Fait que... C'est vrai, c'est ça. Moi, j'ai pensé à de quoi tantôt, puis c'est comme... C'était pas prévu. Puis t'es sûr qu'il tient pas ton hostie de cossin? C'est notre cossin? Ouais. Achète-nous en un si t'es une femme indépendante. Oh. OK, attends. T'es-tu multimilliardaire? Moi, t'en as acheté un avec Jean. Un à un, on passe en prolongation. OK. Non, mais c'est ça, j'ai pris des petites notes tantôt. Là. C'est pas prévu ce que je vais faire. Là. Let's go. C'est que, bon, dans vie, on vit tous des drames. Hein? Il faut que je me tasse, là. On vit des drames, on vit des colonoscopies, on vit des affaires de juste pour rire. On n'a pas de Pokémon légendaire. Nos chiens font des crises d'épilepsie. Des fois, il y en a qui ont des invasions à domicile, des invasions tchétchènes à domicile aussi, des hangovers, des cheveux qui frisottent parce que c'est humide, des fausses notes au karaoké, des mauvaises chansons au karaoké aussi. Hein? Qu'est-ce que j'avais écrit d'autre? Joe Dassin, quoi. Ah ouais, des séparations, de la belle marde. Oui, Joe Dassin. Bref, on a tous des moments difficiles, puis... Moi, quand j'ai des moments difficiles, souvent, je compose des chansons. Fait que j'ai pensé que je pouvais vous chanter un petit extrait d'une chanson que j'ai composée. Puis en fait, cette chanson-là, ça vous dit juste que dans vie, que ce qui est important, c'est l'amour qu'on se donne les uns aux autres. Puis qu'il faut s'aimer. Puis qu'il faut, surtout... aimer. Non, mais les choses qui nous rendent heureuses... Ouais. À toutes les fois que Caillou parle, c'est utile. Il faut focusser là-dessus. Je pense que je serais pas capable, c'est trop con. Ouais. Jamais ta gueule, Bibi. Ah, t'es émotive à fond, pis tout, là? Non, je pleure pas, je suis morte de rire. OK, ben, on écoute ta chanson. L'important, c'est que moi, je me trouve drôle, OK? Fait que c'est une chanson que j'ai composée pour ma fille Charlotte Grace. It goes like this. Qu'un jour, tu auras, genre... Ah, c'est bon. Ah, si, j'y arriverai pas, je m'excuse. Ben, veux-tu que je la chante à ta place? T'as connais-tu? Non, mais... Parce que oui, moi. Bon, attends. Ça part-tu de rengaine pis de machine à café? Parce que... Je... Ça, c'est vraiment un cap. OK. Ça va comme... J'ai pas besoin de me concentrer, ça fait une semaine, je la répète. OK. 3, 2, 1... Some people doubt... that angels can fly, and some people fight without knowing why, and some people live without seeing the light. And some people live, oh no, no, no, no, not quite. But I know the good will prevail, and I can conquer the world with all the love that I feel. When you, woo, when you smile back at me, when you smile back at me. Merci, je t'aime Justin. Non, non, on rit, là, mais je suis allé à SAQ, ils ont sorti un sortilège avec des bleuets dedans. Vous essayerez ça dans votre Sunday, ça se score en tabarnak. Sacré fils. Hey, on vit un 70% avec des émotions. T'es-tu capable de toucher des coudes comme ça? Clairement pas toi. Hey, on passe au prochain! L'été, l'été, c'est fait pour jouer. L'été, l'été, l'été, c'est fait pour jouer. Ah. C'est la première fois que je suis tête de même. Incroyable, je peux pas faire ce texte-là, c'est malade. T'as l'air spécial, Mathieu, t'as l'air flottant. T'as l'air Mathieu Boudreau éthéré, genre. Voilà, voilà, je suis dans cette période-là de l'esprit, hein. L'esprit a plusieurs périodes, une période beaucoup plus profondément ancrée vers ses racines. On ouais. parlait chakra tantôt. Merci. Puis là, ben oui, je suis éthéré comme ça, c'est à la fin du mois. C'est l'autre côté de la médaille. Voilà. Non, ben, tu comprends pas le langage, c'est normal. C'est ben non, mais... Je pensais aux rengaines puis aux machines à café. Ouais, je sais. Je suis comme essoufflé, puis je sais pas pourquoi. Certains le savent, mais moi, j'ai une tendance à croire que tout est possible. C'est certainement le fruit de mon imagination débordante et ma propension à croire n'importe quoi. Oui! Oui, si je crois n'importe quoi, tout est possible. Et là, mon fils est venu voir et me dit « Papa, c'est quoi les chemtrails? » Et là, j'ai dit « Fiston, les chemtrails? » En plus de ne pas être du tout dans l'actualité, c'est la seule vraie réponse à la question que tout le monde se pose depuis le début de l'humanité. Hein, Tommy? Est-ce que la Terre est plate? Oui. Oui. Non, mais calme-toi. Oui, en regardant autour de toi, tu te rends bien compte que c'est pas la Terre qui est plate, mais que c'est le monde qui a dessus. Mais... Tu sais, non mais tu sais comment ce que c'est fait l'imagination, hein? C'est beau cette affaire-là. La Terre est un énorme disque qui repose sur le dos d'une tortue, qui elle-même est surmontée d'un autre disque de verre, si ça me tente. Et mon fils dit, mais papa, les chemtrails, j'ai dit, fiston, les chemtrails. C'est des lignes de coke géantes déposées sur le disque de verre par les dieux eux-mêmes. Si je veux. L'existence. L'existence est une table de salon dans un appartement miteux de la rue d'Aiguillon à Québec, puis c'est pas toi, avec ton hostie de bullshit d'études sérieuses puis de recherches scientifiques appuyées par des preuves plus qu'acceptables qui vont me faire croire autre chose. J'étais là. J'ai fait la coke. J'ai vu la vie. Ben moins, je suis tanné en tabarnak que mes taxes de travailleurs au noir servent à nourrir les immigrés illico pendant que ma grand-messe se fait exploiter par un système A qui sert de la patate avec notre argent en poudre. No way! No way, canoë! Asti, que moi j'ai été moi-même été bâti comme tout le monde de la Québec, sauf que ces astis de face de terreur pour nos enfants, ça n'a pas de bon sens. La petite Grégorine a 23 ans. Elle croit encore que le monde est une toile blanche où l'on peut inscrire ce que l'on veut dans la teinte idéale, avec les meilleurs pinceaux. Mais peu à peu, ce qu'elle découvrira, c'est que peu importe ce qu'elle fera, le système qui la contient verra sa créativité comme de la rentabilité et sa rentabilité comme de la créativité. Ce qui bousillera toute tentative de nouveauté de sa part, car trop risqué, trop inattendu et de fil en aiguille, trop coûteux. Comme une plante carnivore se refermant sur sa proie, elle verra toute l'ambition de sa part devenir routines et regrets. Mais en attendant, du haut de ses 23 printemps, elle rugit et vit cette courte existence que l'on nomme l'adolescence. Oui, oui, c'est de ça que je te parle, Tommy. C'est le grand combat, hein, entre le bien et le mal. Oui, si je prends le micro, c'est pour te dire je t'aime. Mais toi, t'es là, puis tu viens me voir avec tes histoires pleines de questions à mes réponses. Sauf que, man, j'en ai pas plus qu'un autre. Non, c'est zéro. Les effets spéciaux, c'est de la merde. On va couper ça. Je le sais pas. Je le sais pas, mais de toute façon, hein, qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on sait vraiment? Hein? Rien. Rien. Un pet dans le vent, un vent dans le néant, un prout dans la voûte. Oui, oui, un prout dans la voûte. Parce qu'aujourd'hui, on le sait qu'on vit dans la caverne de l'allégorie. Le problème, c'est que quand on fait prout, ça fait de l'écho. Non, non, mais, hey! Oh oui, c'est... Écoute, non, mais écoute, je suis le premier à reconnaître que je sais pas de quoi je parle. On peut-tu passer à un autre sujet? Mathieu Boudreau, hein? Tu sais que Mathieu Boudreau, en fait, il a déjà été se kidnapper une métaphore d'enfant. Toi, est-ce que tu t'es déjà reproduit? Pas tout seul. Comment on fait des enfants, Michel? Est-ce que t'as un chien? Non. Comment tu l'appellerais ton chien si t'en avais un? J'aurais pas de chien, fait que je l'appellerais pas. T'as-tu une autre question? Est-ce que tu prends pour les Canadiens ou pour le retour des Nordiques? C'est ordinaire, hein? As-tu un dinosaure préféré? Est-ce que t'as c'est quoi la dernière affaire que t'as dessinée? Est-ce que tu joues à Ouija des fois? Est-ce que ta sœur est célibataire? Je pense que je vais te la présenter. Yeah! Allez, let's go, on passe au prochain! Après avoir confronté un officier des douanes sur le fait que l'agence qu'il emploie n'en fait pas assez pour empêcher les immigrants illégaux de rentrer au pays, un fermier de Hallberg au Vermont aurait aspergé le véhicule de l'officier avec du fumier liquide. Là, en passant, je veux juste vous faire remarquer que c'est un fermier de Hallberg au Vermont. Donc c'est ouais, la ligne. C'est les nous autres illégaux du Canada. Qui viennent du Canada. Ouais. Tu sais que t'as rendu le fumier encore moins appétissant qu'avant? Comment j'ai fait ça? T'as rajouté l'adjectif liquide. Oui, effectivement. C'est du purin. Ouais. Toi, t'appelles ça du purin? Ben oui. Ouais, mais c'est du fumier de cochon, non? Ouais, mais mélangé avec la pisse. Ouais, mais c'est juste du purin. Ah, ben là, il faut que t'ailles goûter pour être sûr. Là, parce que, tu peux sentir, ouais, c'est bien en masse. Hey, tabarnak! Let's go next! Ben en fait, j'ai même pas fini celle-là. Mark Johnson, 53 ans, a plaidé non coupable à des accusations de conduite désordonnée et de voies de fait simple sur un officier de la loi avec un fluide. Il affirme avoir allumé son spray à marde sans savoir que la voiture de patrouille était présente juste après s'être ostiné avec le gars. Ouais. Ça fait toute partie d'un plan pour essayer de rendre les frontières plus solides. Pour empêcher le flot d'immigrants illégaux qui viennent le au Canada. Le flux, même, je dirais, d'immigrants le illégaux. Le flux d'immigrants illégaux qui arrivent au Canada, puis après ça, ils s'en vont mettre des bombes aux States. Je le sais, moi, ouais. Je suis sur des sites Internet là, qui parlent de ça tout le temps. Calvaire avec le monde des caves. Et on termine ça avec la bonne nouvelle, 70%. pour vrai? On a des fans de bonnes nouvelles dans la salle. Ben là, tabarnak, c'est mes préférés. Puis en plus, on reste dans la même thématique un peu. Depuis 55 ans, les élèves d'une petite école de Busan en Corée du Sud font face au ridicule quand ils disent le nom de leur établissement d'enseignement. En effet, Daebuin, le nom de leur école primaire, veut dire matière fécale en coréen. Jeudi dernier, l'administration a finalement allumé et a décidé de remplir la paperasse afin d'obtenir le formulaire qui permettra de changer le nom de l'école en 2018. Ouais! Avez-vous des suggestions de nom? Laissez-les dans les commentaires. Ça devrait être assez facile à battre. Sacrement. Merci beaucoup, Bruno Corbin, mesdames, messieurs. Ça se follow sur Facebook et tout. Sinon, on arrive pas mal au bout. Michel, j'aimerais ça te laisser le mot de la fin. T'as été très loquace ce soir, ça fut très agréable. on en a appris beaucoup sur toi. On va aller écouter des clips qu'on a mis en surprise parce que j'ai entendu dire que t'étais dans un clip de... Et dans un autre aussi de... tout le monde on a vu. Fait que là, ben, on va les mettre juste après l'émission. Okay. Si on veut te suivre, c'est sur Facebook, Michel Dragnet Dagenais. Ouais. OK. Dragnet, c'est pas mal plus cool que Dagenais. Ouais. Moi, je n'ai c'est pas de ça, surnom. Pour ça, ils m'ont donné un nickname. Tommy Godette, tu m'en donnerais-tu un surnom cool? Ben oui, ben oui. Une Tommy Troyette. Ben, on dit drag, Dagenais, Dragnet, Godette. God Michel, Godette? God. C'est difficile. On te revient. Michel Dagenais, mesdames, messieurs! Sinon, ben, merci beaucoup aux chroniqueurs, merci à l'équipe technique. Je vous laisse une dernière fois avec notre house band Jocelyn Thérien. Content de te revoir avec JF Cardinal. C'était votre 70%. On met des clips dans quelques instants. Je t'aime, maman! Chaque lundi, depuis 10 ans, au pub Brouhaha, 5860 Avenue de Laurier. Chaque semaine, un film louche, un humoriste de la relève, l'enregistrement en direct de 70% et un set de VJ invités. Les lundis douteux. Apporte ton sourire et tes cousines, puis dis-leur que c'est toi qui paies parce que c'est gratis. Les gens pensaient que... C'est-tu mes parents? Ben oui, ils sont là. Allô! Oh ben, la gang! Avec mon frère François, mesdames et messieurs! Ah ben, ça, presti! C'est pas faké, c'est maman et puis mon père et puis mon frère. Ça va, François? Hey, allô, il est content. Il est content. Il est super sympathique. Donc, on va se lancer sans plus attendre dans cette nouvelle édition du meilleur show gratuit du lundi au monde. Encore une fois, c'est chargé ce soir et je veux souligner en début, tout de suite, le travail extraordinaire de nos deux techniciens, Stéphane Mallette et Olivier Serrois, sans qui rien de tout ceci ne serait possible. On a aussi des applaudissements à sortir tout de suite pour notre bon ami Jocelyn Thérien qui est de retour. Les douchebags aux commandes avec l'audio, très content. Avec Monsieur Cardinal flanqué à gauche. Et on a aussi un retour d'un autre Damien, et je ne parle pas du beau bronzé qui s'occupe de la console là-bas, mais Damien Blasbouchard qui est ici pour venir nous parler de quelque chose. On est très content de le revoir. Le film qui va terminer, en fait, il nous reste encore une semaine du mois des gros bras. Lundi prochain, c'est un spécial Jean-Claude Van Damme, alias JCVD. Et le film qui s'enligne pour gagner, c'était Le Flic du temps. Et ça, c'est un des trois films dans lequel Van Damme rencontre Van Damme, qui joue comme deux rôles. Il fait ça dans trois films. On va en parler plus longuement lundi prochain parce que ce soir, c'est Les Justiciers de Little Tokyo, le long métrage avec Dolph Lundgren en bédaine pour rien. Et on apprend dans ce film-là qu'il a un très gros pénis. Vous allez voir, c'est pertinent. C'est très pertinent. Il y a une fusillade, il y a Brandon Lee. Ils font ça entre gars, c'est correct. Sinon, pour faire les clips juste avant, on a l'excellent Jacques Swedre. Swedre? Je vois, c'est. Blue Suede, c'est comme ça. Non, mais c'est Jacques Suede qui est revenu du pays d'à côté pour nous offrir sa playlist préférée. On a très hâte de voir ça. D'habitude, ça fait mal de la bonne manière. Puis là, ça fait comme un an que tu travailles là-dessus. Bon, on va peut-être s'en parler un petit peu tantôt. Sinon, on va laisser tes actes parler. Juste avant ça, ben, on est très content d'avoir Michel Dagenais, alias Dragnet, à 70%. Et puis, ben, pour commencer la soirée, s'il vous plaît, une main d'applaudissements conséquente pour Isabelle Sasseville, s'il vous plaît. Maintenant! J'ai tellement de stock. Merci, Tommy. Ça, c'est fin. Ah oh, oui, on va faire un beau petit setup ici. Parce que ça va d'être utile, tout le monde. Donc, vous allez bien? Hey, ça fait un bout que je ne suis pas venue à douter. Je suis vraiment très contente d'être avec vous ce soir. Je teste ce soir du nouveau matériel. Donc, il va avoir du bon moment et il va peut-être y avoir des choses dommages. Donc, merci de votre collaboration d'avance. Vous êtes bien blood. Moi, mon amoureux fait des colites ulcéreuses. Ça, c'est une maladie inflammatoire du côlon. Donc, quand les gens me demandent si je sors avec un badass, oui, mais c'est pas ce que tu penses. Ça arrive qu'on parle souvent de coloscopie dans des lieux inusités. Par exemple, la dernière fois qu'on en a jasé, c'était au restaurant, mais on brunchait dans le village gay. Donc, ça passait comme dans du KY. Et ça m'a fait réaliser que les garçons hétérosexuels, vous n'avez pas souvent ce feeling-là de choses qui rentrent à l'intérieur de vous. Tandis que nous, c'est pas mal quotidien. Hein? Tampons, stérilets, godemichets, cocaïne... Mais encore là, la cocaïne, c'est quand même pas la meilleure cachette, là, la ploune. Il y a mieux que ça. Les trafiquants, ce qu'ils font, là, ils remplissent des condoms avec de la cocaïne, puis là, la mule, elle avale ça, puis là, ça fait tout le transit. Si les publicitaires, avant de sniffer, pensaient que leur poudre a déjà côtoyé le colon d'une jeune fille pauvre, peut-être que ça perdrait un petit peu de son glamour. C'est vraiment un problème en publicité, la poudre. Vraiment. En témoignent juste les annonces de Spongy. Je veux dire, ça n'a pas été écrit à jeun certain, ça. Hey, François Massicotte en essuie tout. En fait, c'est la plus belle métaphore des problèmes de poudre, c'est les annonces de Spongy, hein, parce que au début, la première, tu sais, c'est blanc, c'est rassurant, tu sais, on a l'impression qu'il est au top du monde, puis là, plus ça va, plus il est pogné d'un engrenage, puis là, s'il arrête, il a peur de plus jamais être capable de travailler. C'est pas une pub d'essuie tout, c'est un appel à l'aide, définitivement. Sinon, moi, j'ai commencé à faire du Bixi cet été. Et il n'y a pas longtemps, j'étais sur une rue, il n'y avait pas de lumière, puis il y avait un gars en char. Fait que là, j'essaye de passer vite. Et là, le gars fait « Hey, girl! » Et là, je fais « Oh, mon Dieu, il va me catcaller! Oh, » J'étais tellement contente! J'ai tellement tout le temps plein de phrases prêtes pour expliquer à ce genre de gars-là à quel point je ne suis pas un objet. Fait que là, je me prépare. Et là, il me crie encore une fois « Don't waste my precious time! » J'étais tellement déçue, là. Juste, parle-moi pas de ton horaire. Qu'est-ce que tu fais, de toute façon, à 6 heures, un jeudi soir, à être pressée d'aller quelque part? C'est quoi? Si tes enfants mangent pas avant 7 heures, ils explosent. C'est complètement ridicule. Moi, je suis là, j'étais à vélo, j'étais en jupe en plus. On voyait clairement mes bobettes. Je veux dire, manque-moi de respect comme du monde. Déjà, j'avais pas de casque. Je veux dire, s'il m'avait crié « You deserve to die », j'aurais compris, tu sais. Mais là, rien. C'est... déception. Sinon, ben, parce que je suis une fille, des fois, j'ai peur de me déplacer toute seule la nuit. Il y a un gars, à un moment donné, qui m'a dit « Si tu te fais attaquer, c'est pas compliqué, tu mets tes clés entre tes doigts, puis tu vises l'entrejambe. » Oui, merci, mon brave. Je suis pas mal sûre que c'est avec ça que les talibans ont pris le contrôle des avions là, en septembre. T'sais. Ils sont arrivés avec leur set de clés entre leurs doigts. Puis on fait « OK, personne bouge, sinon on vise l'entrejambe. » Puis là, les pilotes ont tout fait « Oh mon Dieu, ils ont des turbans puis des clés, on est foutus! » C'est pas de même ça s'est passé. Les clés, c'est pas un truc. Sérieusement, ça fonctionne pas. Puis en plus, ça fait mal aux jointures. Faites pas ça, les filles. Faites juste genre... Je sais pas qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, pour vrai. Je vais finir ça un autre jour. En ce moment, il fait chaud, beaucoup. Puis c'est dans ce temps-là que c'est le fun de connaître quelqu'un qui a une piscine. Moi, mon ex-amant avait une piscine. Il aimait ça se baigner nu dedans. C'était vraiment sensuel. C'était un petit peu tragique quand on s'est laissé, en fait. Il pleurait beaucoup. Il m'a dit que j'étais la femme de sa vie puis que si c'était pas de son épouse et de ses deux enfants, on aurait pu finir notre vie ensemble. Fait que quand je pense à lui, ben je meurs un peu à l'intérieur. Fait que j'oublie que j'ai chaud. Et c'est pour ça que c'est important de connaître quelqu'un avec une piscine. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai découvert que j'avais une intolérance au gluten. Ouais, je suis diabétique et allergique aux noix. C'était déjà un gros package deal. Il y a déjà des gens qui m'ont dit « Oui, mais ça, c'est une mode, l'allergie au gluten. C'est une mode. » Moi, j'ai jamais vu un défilé printemps-été commencer avec 3 heures aux toilettes dans des souffrances intenses. C'est pas une mode. OK? Moi, quand je vais au restaurant, je commande du pain sans gluten. Le regard du serveur, c'est comme si j'y disais « Ta mère, c'est une plotte !» en crachant sur ses souliers. Chaque fois, ce même regard glacial. Quand je vais souper chez du monde, c'est rendu tellement compliqué. Maintenant, je fais ça par Skype. Juste, tout le monde est content. Toi, t'as pas besoin de changer ton menu. Moi, je peux souper en bobette. C'est merveilleux. Tout le monde gagne. En fait, je me rends compte que ma santé est tellement mauvaise. S'il y a une apocalypse, continuez à gonner des zombies, puis laissez-moi là. Je vais juste ralentir le groupe. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va dire « J'ai trouvé des rations », moi, je vais faire « Oui, mais y a-tu du sucre, des noix ou bien du blé dedans? Parce que des fruits frais, ça serait vraiment mieux. » En France, je m'en vais en France en septembre, c'est ça mon lien. Il y en a pas. Je m'en vais en France en septembre. J'ai très hâte de partir. Je m'en vais là-bas m'adonner au sadomasochisme, c'est-à-dire que je vais essayer de faire des spectacles et faire rire des Français. Je vais essayer aussi d'aller m'excuser un peu parce qu'on leur a fait un coup chien quand même dans les dernières années, les Français. On leur a envoyé cœur de pirate. Moi, le cœur de pirate, je peux reconnaître sa voix n'importe où. Quel son désagréable! Ça me court ici, là! J'ai pas de plaisir, je veux dire. Cette fille-là, quand tu l'entends la première fois, c'est là que tu réalises à quel point t'es privilégié de connaître ça, le silence. Hein? Je veux dire, deux grandes guerres, le Bataclan, Charlie Hebdo, Marine Le Pen, la France avait pas besoin de cœur de pirate! Je vais m'excuser. Tant qu'à être là aussi, je vais m'excuser pour Céline Dion. Hein? Quoi qu'elle est rentrée aux États-Unis, elle, déjà. Puis on s'entend, elle aussi, elle avait envie de vivre dans un pays où les serveurs sont sympathiques. Sinon, je vais peut-être m'excuser pour Linda Lemay aussi. Parce que, oh, vraiment, parce que elle, c'est juste une question d'affinité linguistique. Il y a trop de mots dans ses chansons. Puis on s'est dit, ouais, on pourrait peut-être l'envoyer dans un pays avec du monde où la gueule leur arrête jamais. Puis c'est ça qu'on a fait. Moi puis Linda, en fait, on aime la France exactement pour les mêmes raisons, hein, la langue. Moi, c'est plus des affinités cunilinguistiques, par exemple. Mais... c'est moins poétique, là, mais ça fait des plus belles soirées. Je vais m'excuser aussi pour Garou, parce que Garou, c'est une erreur. Il n'était pas censé rester en France, mais quand il a vu le prix du vin, il a collé là vraiment longtemps. Fait que je vais devoir m'excuser pour ça. Je vais conclure bientôt. Là, étant donné que c'est du nouveau matériel, moi, dans la vie, je ne suis pas une humoriste de la relève de 20 ans, tu sais, un gars avec une job. J'ai une vraie job, OK? Et moi, ça fait que j'ai beaucoup moins de temps à niaiser sur Facebook en faisant croire au monde que j'écris. Alors, il y a des choses que j'ai pas eu le temps de faire cette semaine, dont écrire les 5 dernières minutes de ce segment-là. Donc, je me suis mis une petite feuille de notes, hein, avec le timing. Fait qu'on essaie des choses. OK. Les 30 premières secondes, ça dit un peu de crowd work. Fait que ça va toujours bien? Ouais, oui, mais toi, tu fais quoi dans la vie? Oh mon Dieu, c'est génial. Moi, mon oncle faisait ça aussi, il travaillait dans ce domaine-là, l'écoute active. Puis là, il faut que je trouve une joke. C'est la seule chose qui manque. Après ça, à une minute, moi, mon chum, il est dans le fond, il est beau. Allô, chérie. Il y a des rats! Il y a des rats! Fait que là, je me dis, oh mon Dieu, on va leur faire faire des petits tours, ça va être le fun. Malheureusement, Andy a laissé son sac ouvert en rentrant, et là, on les trouve plus. Fait que si vous les voyez, c'est deux petites rats blanches qui répondent affectueusement au nom de Patty et Selma Jacques. Mais appelez-les pas par leur nom parce qu'ils répondent pas à leur nom. Je veux dire, c'est intelligent, là, ces bébites-là, là, mais ça pisse à la même place où ça mange. Je veux dire, c'est des rats, là, c'est pas Marie Curie. OK, 1 minute 40. Oui, j'avais prévu un petit moment de pyrotechnie, hein, mais j'ai manqué de budget puis j'avais pas envie de couper mon insuline cette semaine. Hein, c'est une question de vie ou de mort, finalement. Fait que voici. OK, moment pyrotechnique. OK, 2 minutes 10. Oui, j'ai préparé un petit tour de carte. Alors, je vais lâcher le micro 30 secondes, je vais parler très fort. Alors, oui, en avant. Hein, les cartes. Montre-moi la pas, montre-la à tout le monde, mais moi je vais pas l'avoir. Ok, cool. On se pas la réponse. Ok, mets ça en paquet. Ok, cool. Alors là, j'ai brassé. Ça, hein. Je suis fatiguée beaucoup. Voilà. 2:45. Je vous parle de ma mère. J'ai un petit segment sur ma mère. Oui, ma mère était dans les scouts, elle, quand elle était jeune. Et elle nous aimait tellement qu'elle ne nous a pas inscrits dans les scouts. Trois minutes, prendre une gorgée d'eau et regarder mon pacing. OK. 3:10. Est-ce qu'il y en a qui aiment ça ici, les imitations? La foule a pas l'air, c'est écrit là, la foule a pas l'air convaincue, mais j'ai fait comme si je n'avais rien entendu. Et là, c'est écrit idée d'imitation, et il n'y a absolument rien. Parce que moi non plus, j'aime pas ça, les imitations. Là, je suis rendue au bout où je gère les hecklers. Alors là, il n'y en a pas eu depuis le début, mais moi, mon chum aime ça faire ça. Hein? Pour une humoriste, sortir avec un heckler, c'est exactement comme si un docteur sortait avec le cancer. Il y a bien des humoristes qui ont des phrases pour gérer les éclairs, les gens qui crient pendant le spectacle. Il n'y en a aucun qui a sa préférée, c'est « Ta gueule, mon amour ». Mais moi, c'est ma préférée. Une fois, j'ai été obligée de gérer ça autrement. Puis là, j'ai fait « Ah, ils m'ont donné un micro, mon chéri. Hein? Je vais jouer avec ton micro rendu à la maison. » Puis là, il a crié « C'est même pas vrai, elle suce même pas. » Voyez-vous, en plus d'être désagréable, il est doué. OK? Fait que là, jusqu'à ce soir, ça faisait 6 mois qu'il pensait que je faisais pas d'humour et que j'avais pris un amant. Il s'en calisse que j'aie un amant. Donc, voilà, 4:55. Élise, est-ce que ta carte, c'était le 8 de cœur? Non! Magie! C'est tout pour moi! Isabelle Sasseville, mesdames et messieurs. Tu veux participer à l'évolution de Production Podcast? Deviens partenaire et contacte les Productions Podcast en visitant la page Facebook Production avec un S, Podcast, P-O-D-C-A-S-S-E, ou écris-nous à podcast@icloud.com. Fais partie de l'aventure Production Podcast. Pour plus de détails, visite podcast.com. OK, ben, je m'appelle Jérémy Alain. Et je joue pas à Magic parce que, je sais pas, je viens d'un univers de dopé, puis on dealait de la dope avec nous autres, il y a quelqu'un qui fait comme « Hey, j'suis un magicien! » Moi, je suis comme « Non. » À 70%! Merci, Jérémy Alain! YOLO! You only live once! Moi, je vote pour YOLO! Oui, only live once, voilà. Vivez une fois, mais vivez sécuritairement. C'est mon message, si j'en ai un. C'est le moment de l'encan, mesdames et messieurs. Oui, j'entends tes cris. L'encan, c'est pas compliqué, hein. C'est, tu gardes toujours en tête que c'est pour aider l'organisme, OK? Alors, le premier lot, c'est un livre qui s'appelle « 1000 nouveaux trucs utiles » de Marie-Hélène. Alors, Marie-Hélène avait d'autres trucs, mais là, elle en a 1000 de plus pour toi. J'ai aucune idée. Zut! Mettons les trucs dans la catégorie zut, là. Il arrive de quoi chez vous, là? T'es... Zut! J'ai nettoyé le four et toute la cuisine en peste. Bon, ben là, il y a un truc là-dedans pour te dire comment que ça empeste plus. Ou sinon, dans la catégorie « Ah non », tu sais, la catégorie « Ah non », eh bien, David a brûlé mon plancher avec sa cigarette. Bon, là, on est en 2017, à cette heure, on fume plus en dedans! Mais avant, avant ça marchait. Puis sinon, il y a la section « Bachibouzouk », la version « Blablabla ». Voilà la toilette qui déborde. Alors, on te dit dans le livre comment la toilette déborde. C'est un livre orange, relié. Et ça vaut sûrement de l'argent pour aider l'organisme. 2$ ici, quelqu'un qui a compris comment un encan fonctionne. 2$ une fois, lancez-vous pas tout en même temps. 3$ ici en arrière. Oui, Olivier, toujours un fidèle soldat. 3$ une fois. 3$ deux fois. 5$ ici pour quelqu'un. Oui, oui, oui. On l'avait tous venu venir, là. Il avait sa main comme ça. 5$ une fois. Oh, et on a une section ici à propos des graines. Alors, si quelqu'un a le potager facile à la maison, voilà, 5$. Il y a énormément de graines. 6$ ici, une personne convaincue. Alors, on dit 6$ une fois. 6$ deux fois. On me demande d'en lire un extrait. Eh bien, à la section sillon. OK, pour tracer des sillons parallèles avant de transplanter, utilisez une voiture d'enfant. Faites-y asseoir les petits pour ajouter du poids ou s'ils ne sont pas dans les parages, mettez des briques. Voilà. Ou n'importe quoi là, qui a la même intelligence qu'un enfant. Une brique, du ciment. Alors, on était rendu à 6$ trois fois vendu. Voilà, c'est 6$. Incroyable. Vous pouvez applaudir, sinon non, c'est pas important. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam. J'ai pas de torrent. Alors bien sûr, Tommy fait de l'ironie sur le fait qu'on peut trouver tous ces films-là en écrivant point torrent après le titre sur Internet. Mais comme ça nous tente pas de fouiller, on les a en VHS pour toi. Et voilà, c'est la collection les 4 films de James Bond. La collection complète des 4 films de James Bond. Voilà, c'est ça. T'as... Il paraît que le prochain James Bond va être une fille. Faites qu'elle soit noire, Seigneur. Ça commence... C'est un VHS, quelque chose. Tu peux me donner de l'argent pour ça. C'est pour aider l'organisme, OK? Alors, quelqu'un qui aurait de l'argent, là, ça serait le moment de me le dire. Combien? 2$, quelqu'un de convaincu. Wow! 5$ ici. 5$. La personne à casquette. 6$. 7$. 7$ ici. Alors, qui nous dirait... je suis pas sûr de pouvoir avec les doigts. Je peux pas dire. Mais elle a dit 8, je pense, avec ses doigts. 8$, et voilà, c'est dit. 8$ une fois pour ces 4 magnifiques films de la collection James Bond qui est complète. C'est en VHS. C'est combien? C'est 8$ deux fois. Et c'est 8$ deux fois, trois fois avant du... Ouais. Oh! l'insouciance avec laquelle cette personne... Il y avait un 10 au fond de la salle. Il y avait un 10 dans le fond de la salle? Il y avait un 10 au fond. Eh bien, écoute, la prochaine fois, crie et je vais accepter. Y avait-tu un 10 pour eux? Alors, la semaine passée, quand j'ai dit à ma mère que ça existait, elle était contente. Et malheureusement, elle l'a pas gardé parce que sa salle de bain est très petite. Elle pouvait pas le mettre. Mais ça va super bien dans une salle de bain. Me semblerait que c'est la lune. 2$ ici pour Diego. 3$ ici pour... 4. 4 ici. 4, voilà. La personne qui criait 10$ dans le fond, là. 5$. 10! 10$. Oh my god, Andy. 10$ une fois. Combien? 10$ deux fois. 10$ trois fois. Sa place est dans un musée. Non, mais... Sa place est dans la chambre à Julien Bernatchez. Voilà. C'est tout pour nous. Merci pour l'encan. Et voici Tommy Godet, mesdames et messieurs. Merci, Mathieu Boudreau. Il y a d'ailleurs l'excellent Steph Mallette, technicien de la soirée, qui a encore du jus. Fait qu'il va passer avec la boîte. Vous savez comment ça marche, là. Si vous avez du change, on le prend, puis on transforme ça en rouleau. Puis c'est ça, là. C'est avec des fins de discussion qu'on peut présenter des films, hein. Là-dessus, merci beaucoup à Mathieu Boudreau, merci à l'équipe technique encore une fois, Olivier Sirois là-bas, merci à Steph Mallette. On a eu Jacques Swede comme VJ ce soir, on peut l'applaudir Jacques, bravo. Très varié, hein? En fait, vous le saviez pas, mais ce gars-là, c'est votre référence en matière de publicité africaine. C'est capoté. Moi aussi, j'ai découvert ça à soir. Et d'ailleurs, j'ai entendu dire que Philippe Lalanne va avoir un avenir spécial, ou en fait, parce que Jacques est en couple avec Anne-Marie là-bas, et après, est-ce que je peux en parler? J'ai un micro, OK. Après avoir fait du Philippe Lalanne au piano, Anne-Marie a été tellement down. Ils sont en train de concevoir. Il a été conçu grâce au Philippe Lalanne de notre VJ ce soir. C'est quand même assez fabuleux. Oh oui. Elle est enceinte. Moi, toute l'histoire est claire dans ma tête, là, en tout cas. Mais bravo, bravo, bravo à vous deux. Merci, Jacques. Sinon, je parle rapidement du film de ce soir. Vous savez, à la base, on monte des longs métrages ici. Puis là, autour de ça, il est né une communauté. Il y a eu un podcast. Il y a eu des projectiles. J'ai vu mon père tantôt. Il a chiffonné une napkin pour le lancer dans l'écran parce qu'il n'y avait pas de projectiles. Et je me suis revu au début quand on n'avait pas encore de projectiles. Puis qu'on prenait nos napkins puis qu'on faisait ça. À la base, douteux.org, on montre des longs métrages. Puis on pèse pas pause dans le milieu, puis tu l'as jusqu'au générique de la fin, puis tout le monde est content que ça soit fini. Ce soir, il y a quelque chose qui s'appelle Les Justiciers de Little Tokyo. C'est le troisième long métrage qu'on met pour notre mois des gros bras, le mois de Daou. Puis dans le mois des gros bras, on a mis du Jean-Claude Van Damme lundi prochain, mais ce soir, c'était Dolph Lundgren. Et Dolph Lundgren, qui est un Suédois de 7 pieds et quart, qui parle 42 langues, qui est une 9e dan en 27 arts martiaux différents. Oui, je te jure. Dolph Lundgren, c'est lui qui est... Attends un peu, là, parce que là, il faut amener les deux meilleurs flics dans une enquête de meurtre dans le Little Tokyo Town. Fait que là, on va envoyer... Le gars du poste de police, Brandon Lee. Je sais pas si vous connaissez Brandon Lee. J'ai entendu dire qu'il était super bon en maths, héréditairement. C'est vrai. Et il y a aussi Dolph Lundgren, qui est un Suédois de 9 pieds et quart, qui parle 42 langues, puis qui connaît nos mères à tout le monde. Puis dans le film, l'expert en technologie, en tradition, c'est pas pareil, en tradition nippone, c'est Dolph Lundgren. Et ça, d'un bout à l'autre, que le, tu sais, le gars bon en maths, pis tout, disent à Dolph Lundgren, « Ah, tu m'en apprends sur mon pays, le Japon. » C'est louche en hostie. Et donc, on a un long métrage dans lequel on va apprendre que Dolph Lundgren a un gros pénis, pour ceux que ça intéresse. Spoiler alert! Et ça vient d'une des discussions les plus inutiles de flingage de toute la vie. C'est un excellent long métrage pour lequel vous avez voté cette semaine, mesdames et messieurs. Je pense que vous pouvez y aller d'une main d'applaudissements. C'est ça. Bravo. Là-dessus, on est là lundi prochain. Ça va être un film avec Jean-Claude Van Damme pour finir le mois des gros bras. Je suis très content que tout le monde ait été là, surtout toi, mon papa. Là-dessus, on commence un long métrage. Ça n'a pas de bon sens. 1993, là, c'est 16 ans après Star Wars. Dolph Lundgren, le mois des gros bras. Merci. Thank you.